L'année du dragon, par Idrus Maelstrom. L'ascenseur ralentit sa course à l'approche du sixième étage. Harry quitta des yeux son application de suivi des résultats sportifs, éteignit l'écran de son téléphone et le rangea dans la poche de son blouson. Il ramassa ses courses par terre alors que la cabine s'arrêtait dans un soubresaut. Les portes s'ouvrirent en couinant. Il s'engagea dans le couloir d'une démarche enjouée. La moquette vert-pomme amortit le bruit de ses pas, mais ses sacs en plastique vinrent perturber la mélodie qui s'échappait de l'appartement de Luna, sa voisine harpiste, ou voyante, ou psychologue pour animaux. Il n'était pas très sûr. Il rassembla ses achats dans une main et chercha ses clés de l'autre. Comme souvent, son porte-clés en forme de smiley crotte offert par Teddy s'accrocha au bord de sa poche. Il le délogea avec un claquement de langue et leva le trousseau devant lui. Tout en marchant jusqu'à sa porte, il sélectionna la bonne clé puis l'introduisit dans la serrure. Patanron l'accueillit en crachant depuis le fond de l'entrée. Harry roula des yeux en le voyant déguerpir dans l'obscurité du couloir qui menait aux chambres. « Bonjour à toi aussi, » marmonna-t-il en lâchant ses clés dans le vide-poche. Il gardait l'affreux chat de Hermione pendant ses vacances au ski et, comme d'habitude, la sale bête passait ses journées planquée sous le lit de la chambre d'amis et ses nuits à faire le con dans le salon. 2 ans plus tôt, Harry avait eu l'idée stupide de se proposer pour en prendre soin quelques jours, avec l'espoir de convaincre Draco d'adopter un animal de compagnie. Tout ce qu'il avait obtenu était un nom encore plus catégorique, des coups de griffe sur son canapé et des poils partout. Harry ferma la porte du pied en soupirant. Avec maladresse, il se débarrassa de ses chaussures humides, puis les poussa sous le porte-manteau. La pénombre le surprit lorsqu'il entra dans la pièce principale de l'appartement, dont les baies vitrées donnaient sur la nuit londonienne. La seule source de lumière provenait du bureau, aménagé à côté de l'espace télé. Une lampe de bibliothèque y illuminait les cheveux de Drago. Le reste de son corps était enveloppé d'ombre. Il portait, comme très souvent en hiver, un fin pull noir à col roulé. Un casque vissé sur les oreilles, il tapait furieusement sur le clavier de son ordinateur et ne l'avait sans doute pas entendu entrer. « Bichette ? » tenta-t-il avec un sourire narquois. Aucune réaction. « Tu écris du smut ?» Toujours rien. Avec un ricanement, Harry se détourna de lui pour aller poser ses courses sur le comptoir de la cuisine, de l'autre côté de la pièce de vie. Là, il retira bonnet, écharpe et blouson, les abandonna sur un tabouret, puis tira les produits frais de ses sacs pour les ranger dans le réfrigérateur. « Merci, Harry, de m'avoir acheté du champagne hors de prix parce que le prosecco, c'est pour les pétasses » minauda-t-il dans le frigo avec amusement. Une fois les fromages, bouteilles, amuse-bouches et glaces artisanales en sécurité, il quitta le coin cuisine et traversa le salon pour se planter derrière Draco. Une page de traitement de texte était ouverte. Son personnage principal, un aristocrate en rupture avec sa famille et forcé de la confronter à cause des magouilles de son père, semblait en avoir gros. Harry sourit tristement. Draco ne travaillait sur ce roman-là que lorsqu'il avait besoin d'extérioriser des choses. Harry se pencha, assez pour entendre les violons furieux et la batterie affolée qui s'échappait de son casque, et posa les mains sur ses épaules. Draco se tendit, mais, habitué, ne sursauta pas. Il retira ses écouteurs et tourna la tête vers lui avec un sourcil haussé. Harry lui embrassa la joue. « Tu écris du smut ?»« Tu aimerais bien, » railla Draco en faisant pivoter sa chaise. Harry aurait bien aimé, en effet. Draco était toujours chaud bouillant après avoir écrit une scène de cul. Il déposa un baiser sur ses lèvres et se redressa. « Il est déjà 18h ?» s'étonna Draco. « 19, j'ai fait les courses. »« Oh !» Draco bondit hors de son fauteuil et jeta son casque sur le bureau. Il fit quelques pas en direction de la cuisine, mais rebroussa vite chemin pour fermer son ordinateur portable avec un regard étréci. Harry ricana en marchant vers le canapé. Il frappa des mains pour allumer les lumières, magie, et se laissa tomber sur les coussins gris avec un soupir. Il grogna. Il avait laissé son téléphone dans son manteau. « Bonne journée ?» l'interrogea Draco depuis la cuisine, où il fouillait les sacs sur le comptoir. « Ron me manque. Pas de tournoi de baby-foot ? J'ai réussi à engrainer la stagiaire de Kingsley pour qu'elle joue avec moi, mais pfiou, c'était pas un challenge. » « Quel merveilleux exemple de chef tu fais !» ironisa Draco. C'est le 31 décembre, il n'y a personne. On ne va quand même pas bosser. Le rire de son mari éclaira un peu plus la pièce. Et toi ? J'ai écrit. Surprenant pour un écrivain. Patanron m'a fait chier. Ce fut au tour de Harry de rire. Pas étonnant, vu comme il faisait sombre quand je suis entrée, il a cru qu'on était couché. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce gros lard m'a griffé les jambes en essayant de grimper dessus. Elles sont très longues. nota Harry en se tournant dans le canapé pour le regarder par-dessus le dossier. Draco ouvrit le réfrigérateur en secouant la tête. « Il veut te faire des câlins, c'est mignon, non ?»« Du champagne ? Pour ce soir ? » l'ignora-t-il. « C'est le réveillon ?»« Trop bien. Apéro ? » ?»« Mais je viens seulement de le mettre au frigo. » »« Du vin, alors. Et du fromage. Parfait. » Harry sourit largement en le voyant s'agiter. Draco avait des goûts de luxe, mais il était facile de lui faire plaisir. À manger, à boire, le gratouiller derrière l'oreille et lui foutre la paix le reste du temps. C'était sans doute parce qu'il était lui-même un félin qu'il détestait les animaux. Harry se redressa et le rejoignit dans la cuisine, où il s'installa sur le seul tabouret libre. Il tira son téléphone de son blouson alors que Draco préparait un plateau de fromage avec sa maniaquerie habituelle. Ron lui avait envoyé un message et une photo. Il avait un énorme coup de soleil qui épousait la forme de ses lunettes de ski. Harry pouffa et tourna son écran vers Draco, dont le nez se retroussa avec une moue moqueuse. « Il a l'air con, mais il ne sait encore rien péter, c'est bien. « Débouche-moi ça, » ordonna-t-il en lui tendant un tire-bouchon et une bouteille de vin. « Mais avec plaisir !» roucoula Harry en les acceptant. « Tu ne préfères pas que j'ouvre la bouteille d'abord ?»« Classe, Potter. Un peu plus et je baissais mon froc. Mon humour salace t'a mis dans mon lit, ne fais pas semblant. »« Non, désolé, je ne t'écoutais pas. J'étais trop occupé à te mater le paquet. » rétorqua Draco d'un ton mortellement sérieux en sortant des verres à pied d'un placard. En rigolant, Harry fit tourner le limonadier dans le bouchon de liège de la bouteille. « Je prends l'insulte avec grâce. » « Sans rire. » C'était plus probablement l'insolence de Harry face à Lucius qui avait attiré l'attention de Draco. Et de façon encore plus certaine, le fait qu'il l'ait cru lorsqu'il lui avait juré ne pas être le signataire de contrat véreux en son nom. Son père avait tenté de se dépêtrer de l'audit financier déployé par la société de Harry en jetant son fils sous le bus. Pourtant, en froid avec sa famille depuis des années, Draco s'était retrouvé coincé dans un imbroglio juridique qui avait bien failli le ruiner. Mais peut-être que l'humour salace de Harry pour le détendre entre deux audiences avait tout de même un peu aidé à l'attirer. « Tu es sûr que ça te va de rester ici ce soir ?» lui demanda-t-il par acquit de conscience. Il était plutôt dans leurs habitudes de rejoindre les amis d'enfance de Draco pour fêter le nouvel an. Harry se faisait l'impression d'un vilain petit canard au milieu de ses bourgeois. Il les appréciait, et la réciproque semblait vraie, mais le faste indolent dans lequel il se complaisait lui hérissait le poil. Et il ne manquait pas une occasion de pointer du doigt tout ce qui faisait de lui un nouveau riche. Harry ne croyait pas être quelqu'un d'orgueilleux, mais il estimait que son parcours, d'orphelin maltraité à investigateur financier, marié à l'homme le plus canon de ce côté de la Manche, méritait mieux que des moqueries. « Certain, » assura Draco en lui tendant une carafe en cristal. Incapable d'attendre que le vin s'aère, Harry ne le versa dans le décanteur qu'après s'en être servi un fond de verre. Il le porta à ses lèvres pendant que Draco alignait brie et abondance sur le plateau avec concentration. « pas mal. » remarqua-t-il avec un claquement de langue après sa gorgée. Il regarda machinalement l'étiquette de la bouteille, mais outre un arbre dessiné dessus et la certitude qu'il s'agissait de vin, il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de boire. Draco s'essuya les doigts sur un torchon et lui chipa son verre. Il mit son nez pointu dedans, l'écarta de lui, le remua et inspira son parfum à nouveau. Il en but une gorgée en le regardant droit dans les yeux, le laissa tapisser sa bouche un instant, puis avala. Ça ira. » déclara-t-il en lui rendant son verre. Harry le vida d'une traite avant que ne lui vienne l'envie de le lui reprendre. « Il manque un peu d'air, mais c'est vraiment pas mal en fait, » réalisa-t-il. « Ouais. Attends, je te le note. » Draco abandonna son agencement du plateau de fromage et attrapa un calepin rangé au milieu des livres de recettes, entre le frigo et la plaque de cuisson. Il fouilla un tiroir à la recherche d'un crayon et Harry l'observa avec affection inscrire les caractéristiques de la bouteille sur une nouvelle page. Si Harry appréciait le vin, il était particulièrement insensible à son folklore. Draco l'avait vite compris, et Harry adorait la façon qu'il avait de ne pas chercher à l'éduquer, mais plutôt de savoir ce qu'il aimait pour cerner ses préférences. Ça ne l'empêchait pas d'être atrocement moqueur en général, mais jamais au sujet de ses goûts. « Tu regrettes qu'on ait diablé ce qu'on faisait autre chose ?» l'interrogea Draco en rangeant carnet et stylo. « Pas du tout, mais tu les vois assez peu, alors... » « Franchement, Harry, me passer d'une soirée à entendre parler de la réfection de l'aile ouest du manoir de grand-papa, et des derniers potins des grabataires de la chambre des lords au milieu d'enfants hurlants, ça me va très bien. » Harry ricana. « Ça ne va pas te manquer de danser sur du Queen sous les sifflements de Pansy ?»« Je peux danser au milieu du salon, et toi tu peux siffler. » proposa Draco avec un sourire en coin, en déballant un trou du cru. « Deal !» rit-il avant d'incliner son verre vide en direction des mains de son mari. « J'ai vu le nom de ce fromage et j'ai pensé à toi. » Draco pinça les lèvres. Il étrécit les yeux mais ne put retenir un rire. « Je suis si touché, Harry. » Le vin chauffait les joues de Draco et danser sur la voix de Freddy en chantant collait ses mèches blondes à son front. Il y avait une tache violette sur le tapis crème de la salle à manger, mais Harry préféra reléguer ce problème au lendemain. Il porta aux lèvres de Draco un bout de pain, sur lequel il avait écrasé un morceau de fourme d'Ambert, et éclata de rire en le voyant l'engloutir, tourner sur lui-même et rouler des yeux avec extase. « Tu es tellement chelou !»« Merci !» rigola Draco avec la bouche pleine avant de lui tendre son verre vide. « Une autre, tavernier !» Harry pouffa et attrapa le pied en cristal au-dessus de ses doigts. Il était tout juste 21h, le gargantuesque plateau de fromage était à peine entamé, mais le vin en était à ses derniers centilitres. Harry vida la carafe pour Draco. Derrière lui, les premières notes d'Uptown Funk s'élevèrent. Il sourit largement et se tourna avec leur verre. Draco ricanait près de leur système audio. Il devait avoir très chaud avec son col roulé. Bien qu'il lui moulait délicieusement le torse et mettait en valeur sa silhouette élancée, Harry brûlait de le lui passer au-dessus de la tête. « À ton tour !» Harry n'avait pas besoin de se faire prier. Ses épaules et ses hanches bougeaient déjà et altéraient sa démarche jusqu'à lui pour qu'il récupère son vin. « Tu as mangé, un peu ?» s'inquiéta Draco alors que Harry fermait les yeux pour savourer le rythme et sa légère ivresse. « Je pense que je me suis enfilé 90% du brie et 60% d'une baguette. » « Pfff, je sais que tu peux mieux faire. »« Je garde de la place pour le dessert, » sourit-il en lui adressant un clin d'œil. « Tu parles de la glace ou de moi ?» rit Draco. « Les deux !» s'exclama Harry avant de siffler le fond de son verre. Il le posa sur l'une des enceintes et attrapa la main libre de Draco pour la tirer à lui. « C'est cela, oui. Tu vas ronfler avant minuit. » « Paris tenu !» s'amusa Harry. En rythme avec la musique, il balança les hanches contre les siennes, puis s'écarta pour le faire tourner sur lui-même. Le verre levé, Draco s'agita, languide et liquide malgré la mélodie rapide. Bien qu'amusé, Harry ne pouvait qu'admirer sa capacité à rendre chacun de ses gestes sensuels, alors que lui aurait l'air d'un manche en tentant de l'imiter. Même sur des pas étranges, des demi-tours abrupts, même en remuant les épaules et en se déhanchant sur du funk, il était gracieux. Son sourire espiègle, son regard brillant, ses pommettes rosées, ses tempes luisantes, sa grande main fine qui se referma sur sa chemise pour le tirer en avant. Tout était adorable et excitant. « Don't believe me, just watch. »« Hein, je regarde ?» gloussa Harry contre sa bouche. Il s'égara entre ses lèvres, maintenu au contact de son bassin mouvant par une paume ferme en bas de son dos. Ses cheveux glissèrent entre ses doigts lorsqu'il tint sa tête contre la sienne, et son souffle s'écrasa sur sa joue brûlante. Hot damn, marmonna Draco en rythme en le faisant onduler d'une pression de la main. Make a dragon wanna retire, man. Harry eut un rire étouffé et lâcha son crâne pour s'emparer de son verre. Il le posa à côté du sien, enroula ses doigts autour de l'ourlet de son pull et le tira vers le haut. Draco leva les bras avec obligeance. Il émergea du col avec les cheveux électriques et un sourire malicieux que Harry embrassa aussitôt en enlaçant son dos moite. Draco bougeait toujours, incapable de renoncer à la musique. Harry suivit le mouvement de ses hanches comme une arrière-pensée. Ses mains trouvèrent leur place favorite, au creux de ses reins, et ses doigts se glissèrent sous sa ceinture pour effleurer sa peau. Draco perdit le rythme en insinuant les siens sous sa chemise avec un frémissement. Harry abandonna sa bouche au profit de sa gorge. Il y déposa une pluie de baisers sur les cicatrices, vestige d'une agression homophobe qu'il était le seul autorisé à voir. Avec un soupir amusé, Draco lui caressa les cheveux d'une main et le dos de l'autre. Chambre. Canapé. Par terre. Oh, chambre d'amis pour emmerder Paton Rond. Deal. Harry leva sa cuillère de glace à sa bouche, devant laquelle elle stagna quelques instants, pendant que Judy et John échangeaient des au revoir nerveux dans la télévision. Il l'enfourna finalement lorsqu'ils s'embrassèrent. Il quitta Love Actually des yeux pour regarder Draco, qui avait fini par s'assoupir à côté de lui. L'horloge au-dessus du bureau indiquait 23h37. Harry eut un rire discret et prit le bol des mains lâches de Draco pour le poser sur la table basse. Un roucoulement félin s'éleva depuis l'entrée du salon. Harry se tordit le cou pour voir au-dessus de la pue-tête du canapé. Les yeux de Paton Rond luisaient dans la pénombre. Seule son envie de ne pas réveiller Draco l'empêcha de lui envoyer une petite pique bien sentie. Ça, et le fait qu'il s'agissait d'un chat et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il lui racontait. Il se réinstalla normalement et continua à regarder le film en finissant sa glace à la mélasse. Il se tendit soudain, en percevant du mouvement sur sa gauche. Paton Rond venait de bondir sur le canapé et le fixait, une patte en l'air, prêt à grimper sur les jambes de Draco. Harry soutint son regard. Paton Rond posa ses coussinets sur le pantalon de pyjama de Draco. Harry haussa un sourcil. Draco ne bougea pas. Le chat avança. Puis, en l'absence de réaction des humains, Il fit un tour sur lui-même et se roula en boule sur les cuisses de Draco. Harry se mordit les lèvres pour ne pas rire. Il attrapa son téléphone et prit une photo. Il la rogna, car Draco ne lui pardonnerait pas de diffuser une photo de lui avec sa gorge découverte, et la transmit à Hermione, qui lui avait souhaité bonne année une heure plus tôt à cause du décalage horaire. Son message fut à peine envoyé que Patanron se leva et sauta du canapé. Après quelques pas hautains, il s'installa sous la chaise de bureau, où il se lécha agressivement l'arrière-train. Harry ne put s'empêcher de rire cette fois-ci. « T'es obligé de faire ça, là ?»« Quoi ?» marmonna Draco. « Rien, mon cœur. Rendors-toi. » s'amusa Harry en lui tapotant la jambe. « Je dormais pas. » protesta-t-il en se redressant. Il récupéra sa glace en ignorant sciemment le regard moqueur de Harry. Il somnolait à nouveau, contre son épaule cette fois-ci, lorsque le générique se mit à défiler. Harry éteignit la télévision et reposa la télécommande à côté de lui. 23h58 à l'horloge. Il lui embrassa les cheveux en passant le bras derrière sa nuque pour l'enlacer. Drago prit une longue inspiration, le nez pressé contre sa clavicule, puis soupira profondément. « Je vois que tu ne dors toujours pas ?» se moqua doucement Harry. Quelle heure ? » demanda-t-il d'une voix pâteuse. « Il reste 2 minutes. »« Bien. »« Viens là, » commanda Harry en se laissant lentement tomber en arrière. Il se coucha dans la longueur du canapé et l'entraîna avec lui, les mains sous son t-shirt pour chercher la chaleur de ses reins. Draco bâilla contre sa gorge. « Pas trop déçu de ton réveillon ?» murmura-t-il. « Il est parfait, » assura Harry. « C'est pour moi que tu n'as pas voulu aller chez Blaise ?» Il pinça les lèvres, puis sourit tristement. « Oui et non ?» hésita-t-il. « J'avais pas hyper envie d'y aller, et comme t'avais pas l'air très motivé non plus, je me disais que ça nous ferait du bien, pour une fois. » La famille Weasley était adorable et les accueillait à Noël comme s'ils étaient vraiment des leurs. Harry les aimait de tout son cœur, mais leur fête était épuisante. Draco se plia à l'exercice diplomatique avec grâce, en public, et un minimum de gênement, en privé, mais il savait comme il lui coûtait en énergie. C'était pénible, psychologiquement et physiquement, d'être entouré d'une telle joie bruyante, alors que son propre sang lui avait tourné le dos au pire moment de sa vie, avant de tenter de l'enfoncer un peu plus pour se sortir des ronces. Il était impensable pour Harry d'esquiver le Noël de sa famille d'adoption, mais le réveillon du Nouvel An ? Si Draco avait besoin du calme de sa bulle, alors il n'y avait aucune hésitation à avoir. Il se forçait déjà bien assez à sociabiliser le reste de l'année. « Et toi, comment tu as trouvé cette soirée ?»« Parfaite, » répondit Draco sans sembler avoir besoin d'y réfléchir. Il se redressa, grimpa un peu plus haut le long de son corps et planta ses coudes de part et d'autre de sa tête. Il pencha son visage sur le sien. Est-ce qu'on peut en faire une tradition ? Harry eut un rire surpris. Sa cage thoracique lui sembla soudain trop étroite. Draco n'avait pas été facile à apprivoiser et, malgré les années, le mariage et les routines, il lui paraissait encore souvent sauvage, difficile à comprendre, mais perpétuellement fascinant. Tu veux dire, toujours faire le Nouvel An juste à deux ? Ça me va. Draco sourit largement et s'inclina un peu plus pour l'embrasser. Ses doigts s'enfouirent dans ses cheveux. Harry pressa les siens dans la peau souple du bas de son dos en réponse. Entre deux baisers, il jeta un bref coup d'œil à l'horloge. « Bonne année, Bichette. »« Bonne année, trou du cru. » lui souhaita Draco contre ses lèvres. « Oh putain, je sens que je vais regretter cet achat. »« Hé, on a oublié le champagne » s'insurgea-t-il soudain sans compassion. « Oh, laisse tomber. Allons-nous coucher. On le boira demain. »